noble et belle créature, dont le charmant visage était moins parfait que l'esprit, et dont l'esprit ne valait point encore le cœur. Didier l'avait vue au palais de Monseigneur le gouverneur qui, pendant son séjour dans la province, tenait une véritable cour. Il l'avait aimée. Alix ne s'était point donné la peine de cacher son penchant pour lui. Leur liaison, tout en n'outrepassant jamais les bornes de la plus stricte morale, avait pris aux yeux du monde une sorte de publicité. Monsieur de Vaunois seul semblait ne s'en point apercevoir ou y prêter volontairement les mains, ce qui surprenait fort chacun. On savait en effet que Vaunois avait pour l'établissement de sa fille unique des prétentions fort élevées et qu'il ne s'attaquait rien moins qu'à Monsieur Béchamel, marquis de Nointel, intendant royal de l'impôt et l'un des plus opulents financiers qui fussent alors en Europe. Nonobstant cela, Vaunois, qui avait d'abord regardé le jeune officier de fortune avec un dédain tout particulier, l'attira bientôt chez lui et lui fit fête tout autant qu'aux héritiers des plus puissantes familles. Si ce n'eût point été là une circonstance positivement insignifiante pour le public, on aurait pu remarquer que ce changement étrange avait coïncidé avec l'acquisition que fit Vaunois d'un nommé Lapierre, valet de Monseigneur le gouverneur. Mais il n'était point probable, en vérité, que cette petite révolution d'antichambre eût pu influer en rien sur la conduite ultérieure de Monsieur de la Tremblay. Quoi qu'il en soit, un soir que Didier sortait de l'hôtel de Vaunois, le cœur tout plein d'amoureuses pensées, il fut attaqué dans la rue par trois estafiers qui le poussèrent rudement. Il n'avait que son épée de balle, mais il s'en servit comme il faut, et les trois estafiers en furent pour leur peine et les horions qu'ils reçurent. Didier, blessé, rentra au palais. L'affaire n'eut point de suite, parce que le comte de Toulouse quitta Rennes quelques jours après. Le second souvenir du capitaine Didier, quoique beaucoup plus humble, restait plus avant peut-être dans son cœur. C'était une blonde fille de la forêt qu'il avait revue bien souvent en rêve, une tête d'ange sur un corps de sylphide. En ce moment encore, couché sur l'herbe humide et bercé par ses méditations, il songeait à elle. Le nom de Marie chassait de sa lèvre le nom d'Alix, et c'était la gracieuse image de Fleur des Genêts qui souriait au fond de sa pensée. Il rêvait donc, et d'amour, comme doit rêver tout beau capitaine. Les loups, l'impôt, la bataille prochaine, rien de tout cela n'existait pour lui en ce moment. « Si elle venait !» murmura-t-il en jetant son avide regard dans les sombres profondeurs des taillis. Ce qui pouvait lui venir le plus probablement, c'était la balle de quelque loup, car il avait jeté sous lui son manteau et les broderies de son uniforme brillaient maintenant sans voile. Mais il y a un Dieu pour les amours. Une voix douce et lointaine encore sembla répondre à son aspiration. Il tendit l'oreille. La voix approchait. Elle chantait la complainte d'Arthur de Bretagne. Didier savourait délicieusement cette voix et cette mélodie connue, mais par une sorte de sentimental raffinement, il attendait. Les gourmets ne se hâtent point de porter à leur bouche un friand morceau, et l'attente a aussi ses joies. À mesure que la voix approchait, les paroles devenaient plus distinctes. Fleur des Genêts chantait ce passage de la complainte populaire où Constance de Bretagne commence à désespérer de revoir son malheureux fils. Nous traduisons le patois des paysans d'Ille-et-Vilaine. Marie disait « Elle attendait, car pauvre mère longtemps espère, elle attendait le cœur Marie, son fils chéri. Elle mettait son âme entière dans la prière. Elle disait « Dieu Tout-Puissant, mon doux enfant !» Marie n'était plus qu'à quelques pas de Didier, mais il ne se voyait point encore, tant le taillis était épais. Le capitaine retenait son souffle. Marie poursuivit, répétant, suivant l'usage, les deux derniers vers en guise de refrain. Elle disait « Dieu Tout-Puissant, mon doux enfant !» Arthur, Arthur ! Hélas, absence brise espérance, et bien souvent son œil d'azur pleurait Arthur. Le caractère de ce chant est une mélancolie tendre et si profonde que le ménétrier qui le dit à un rustique auditoire est certain d'avance d'un succès de larmes. Il semblait que la pauvre Marie rapportât à elle-même le son de la dernière strophe, car le chant tomba de ses lèvres comme un harmonieux gémissement. « Fleur des genêts !» murmura Didier, incapable de se contenir davantage. Elle entendit et perça d'un bond le fourré. Elle ne vit rien d'abord, tant sa vue était troublée par l'émotion. Puis, lorsqu'elle aperçut enfin le capitaine, ses genoux fléchirent, elle s'affaissa sur elle-même en levant ses grands yeux bleus vers le ciel.